Nous sommes vendredi 19 juin 2020. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Nous allons revenir dans cette édition sur le discours du nouveau chef de l'État, notamment sur la promesse des avantages retraités dans les jours à venir, ainsi que l'appel lancé aux réfugiés de regagner le bercail. Vous l'entendrez dans quelques instants. Dans la fraîcheur des faits, l'association des retraités du Burundi salue la promesse du nouveau chef de l'État. Mouhutu Idéfonse, président de la dite association, se dit satisfait. Du côté des politiciens vivant à l'étranger, le discours d'Evariste Ndayishimiye n'est pas rassurant. Vous entendrez dans ce journal Frédéric Mvuginyumvira. Près de 880 Burundais ont regagné le Burundi en provenance des camps de réfugiés en Tanzanie durant le mois de mai, selon un communiqué du ACR à la veille de la célébration de la Journée internationale du réfugié. Et en actualité internationale, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé ce jeudi un programme multisectoriel d'urgence pour faire face aux effets pervers de la pandémie du coronavirus. Innocent Bibonimana assure la mise en onde. Bienvenue à cette édition. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, appelle tous les Burundais en exil de regagner leur pays natal pour s'associer aux autres Burundais dans la construction du pays pour les retraités. Le chef de l'État a annoncé que désormais, ils vont bénéficier des soins gratuits et auront leur salaire, et du moins comme celui qu'ils recevaient en service. Son message a été donné dans son discours à la nation de ce jeudi dans la capitale politique Gitega après son investiture à la présidence de la République. Écoutez, le président de la République traduit par Jean-Marie Mayong. Nous souhaiterions que le Burundi soit un pays du monde entier où tout le monde puisse venir pour y vivre, car le Dieu Tout-Puissant nous a tout donné. Le Burundi est prêt pour tout faire en vue de satisfaire son peuple selon ses moyens. Nous ne voulons pas qu'il y ait un Burundais vivant en exil comme quelqu'un qui n'a pas sa nationalité. C'est pour cela que nous demandons à tous les Burundais de regagner leur pays. Celui qui est parti pour chercher du travail, qu'il reçoive les documents nécessaires pour qu'il n'éternise pas l'image de son pays et de son nom. De même, nous demandons aux Burundais vivant à l'étranger de garder la culture burundaise pour ceux qui leur semblent difficiles, qu'ils regagnent leur pays natal. Nous demandons à tous les Burundais se trouvant à l'étranger de tout faire pour honorer leur pays et de planifier, mettre en application de bons projets de développement. Nous allons analyser d'autres mesures possibles pour préparer un meilleur avenir pour nous, nos enfants et nos petits-fils. Nous allons travailler avec les institutions chargées des questions des retraités pour que les retraités aient un meilleur avenir. Au premier pas, je voudrais informer que les retraités seront soignés gratuitement et bénéficier leur salaire, du moins comme celui qu'ils recevaient quand ils étaient au service. Nous protégerons et défendrons les employés en général et plus particulièrement de petits salariés du point de vue de la loi, que ce soit dans notre pays ou à l'étranger, parce que nous avons constaté que c'est un secteur où les citoyens ne sont pas bien protégés dans les activités quotidiennes. Du côté des exilés politiques, Frédéric Mvuginyumvira dit n'être pas optimiste sur base du discours tenu ce jeudi par le président de la République après son investiture, même s'il est en cours tôt. Cet ancien vice-président de la République considère que les pourparlers entre les Burundais sont impossibles sans médiation. Selon lui, pour que les réfugiés puissent rentrer, la force doit être mise à l'écart pour privilégier des actes de nature, surtout à réconcilier les Burundis. Suivez Frédéric Mvuginyumvira, un des hommes politiques burundais qui ont fui le pays. Il a été joint au téléphone par Eline Ben Nibikira. Mon appréciation, c'est une appréciation pas vraiment très positive, pas très particulière, parce que rien de particulier n'a été signalé dans son discours. C'est un discours dont le contenu sommes habitués à l'entendre. Je crois qu'il a dit que voilà, maintenant tout le monde aura droit à la parole. Au même moment qu'il parle des femmes mutima qui sont utilisées par des colons, est-ce qu'on peut parler du dialogue Alors que d'un côté, il qualifie cela de personnes qui agissent pour le compte de la colonisation. On ne peut pas chercher à dialoguer et choisir qui dialoguer. Deux, il a dit que tout Burundais peut avoir sa propre parole indépendamment de son organisation politique ou autre, parce que ces organisations, il ne faut pas ces politiciens, comme s'il n'était pas politicien, un chef d'État, il n'est pas politicien, il n'émane pas d'un parti politique quelque part. Il a dit, on veut dialoguer, mais pas sous l'instigation de ces étrangers. Et moi, je dis, pourquoi justement les gens n'ont plus confiance en eux-mêmes? Pourquoi les Burundais n'ont plus confiance en eux-mêmes? Et s'ils parvenaient à changer cette façon de faire, on le verrait dans les actes et non pas à partir uniquement d'un discours. Est-ce que vous n'êtes pas optimiste par rapport à ce discours en tant que réfugié politique? J'ai entendu beaucoup de discours comme homme politique. J'ai suivi avec intérêt. Mais je suis arrivé à un niveau où les paroles ne me disent plus rien, j'attends des actes. Pour vous donc, il est encore très tôt pour avoir cet espoir. C'est trop tôt pour avoir de l'espoir, mais un espoir fondé sur quoi? Sur quoi devrait-il donc se concentrer pour que les réfugiés puissent être rassurés puis rentrer? D'abord, une des raisons qui fait que les gens fuient le pays, c'est l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est la réconciliation du peuple pour la paix et en fait pour le développement. Et on n'a pas la paix, on n'a pas la réconciliation, on n'a pas le développement. Et bien, qu'ils comprennent par quoi commencer. Mais son discours ne reflète pas ça. Il doit accepter d'être humble, à discuter, trouver des compromis. C'était Frédéric Kebam Vigenyumvira, l'ancien vice-président de la République. L'association des retraités du Burundi salue le discours du président Evariste Ndayishimiye. Pour le président de cette association, Idéfonse Mouhutu, le discours du président est une réponse à certaines doléances qu'ils avaient adressées au président sortant. On l'écoute. Nous saluons hautement le discours du chef de l'État. En ce qui concerne certaines doléances des retraités, si nous le citons, il nous a promis de prendre en charge totale tous les soins médicaux. Il a promis aussi d'octroyer aux retraités, ne fût-ce que le dernier traitement que le retraité touché au moment de son entrée à la retraite. Enfin, au moins des doléances, qui trouve une réponse, mais c'est parmi tant d'autres doléances, parce que nous avons beaucoup de doléances qui ont été soumises au gouvernement, et le Conseil des ministres du 5 juin 2019 avait promis de mettre une équipe ministérielle sur pied pour évaluer réellement les problèmes des retraites. Cette équipe ministérielle, je pense qu'elle est à rêve, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les solutions palpables à ces doléances. Et nous demandons l'aide de l'avant pour que au moins le retraité, quand même qui a consacré toute sa vie au service de l'État, puisse quand même jouir d'une retraite appréciable et d'une retraite digne, parce que la dignité de l'homme, c'est d'ailleurs ça pourrait même inciter les gens à bien travailler, à travailler davantage, parce que ils espèrent qu'ils vont jouir d'une retraite digne. Quand on va à la retraite, c'est comme si on allait mourir. Avec ces mesures-là, nous sommes vraiment déjà très contents. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons ce journal avec cette journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée demain samedi. Près de 880 Burundais ont regagné le Burundi en provenance des camps de réfugiés en Tanzanie durant le mois de mai. Les statistiques du HCR Burundi montrent que plus de 370 000 Burundais se trouvent actuellement dans différents camps dans les pays voisins et dans la sous-région. C'est au moment où, ce 20 juin, comme je vous le disais, c'est la journée mondiale des réfugiés. Les détails avec Emery Kanyang. Selon ce message du Haut-Commissaire pour les réfugiés, cette journée du 20 juin dédiée aux réfugiés sera célébrée dans un contexte de crise mondiale préoccupant suite à la pandémie de COVID-19. Des personnes ordinaires, poursuit le message, se sont engagées à aider les communautés d'accueil, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires où vivent près de 90% des réfugiés dans le monde, ayant toutefois fait preuve d'hospitalité. Le Haut-Commissaire pour les les réfugiés apprécient la résilience dont les réfugiés font preuve pour surmonter la crise de déplacement, de dépossession, de séparation avec leur famille et leur pays. Sur 70 ans, cette agence onusienne pour les réfugiés dit avoir fait face à d'innombrables situations, mais que la pandémie de COVID-19 est d'une ampleur inédite. Le commissaire pour les réfugiés souligne qu'il est aussi important de garantir, de poursuivre et d'intensifier le soutien dans les pays d'accueil pour inclure les réfugiés et les déplacés internes et de veiller à ce que les disparités économiques et sociales ne conduisent pas à des divisions au sein des communautés et entre elles. Au moment où ce 20 juin, le monde célèbre la journée des réfugiés, le HCR Burundi, dans ses statistiques, montre que 877 individus ont été rapatriés volontairement en provenance de la Tanzanie durant le mois de mai de cette année. Quant à la situation des réfugiés, ces statistiques au 31 mai montrent que près de 330 000 Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins, notamment la Tanzanie, le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, tandis que plus de 45 000 Burundais se sont exilés vers les autres pays de la région, notamment au Kenya, Mozambique, Malawi, Afrique du Sud et la Zambie. Selon les chiffres de la Direction générale du rapatriement au sein du ministère burundais de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana précise que 4 917 Burundais ont été rapatriés entre fin janvier et le 23 avril de cette année. Mireille Kanyang, page éducation, les technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif contribuent dans le développement du pays du fait qu'elles permettent aux apprenants d'avoir un enseignement personnalisé et permettent aux enseignants d'améliorer des performances du point de vue de la confiance et de l'estime de soi. C'est ce que dit le ministre de l'Éducation ce vendredi lors d'un atelier de validation du document de politique nationale pour la promotion des TIC et d'accélération de leur intégration dans le système éducatif. Jean-Vierre Ndiraïcha a dit que l'introduction des TIC dans le système éducatif a permis de se conformer aux besoins nationaux et aux normes internationales. Suivez plutôt le ministre de l'Éducation, Jean-Vierre Ndiraïcha. Mesdames, Messieurs, la politique nationale pour la promotion des technologies de l'information et de la communication et leur intégration dans le système éducatif est un document qui vient à point nommé. Il constitue une base d'orientation de l'action du gouvernement en vue de rendre le secteur de l'éducation plus opérationnel et de lui permettre de s'ajouter plus efficacement de ses missions. Les TIC sont en effet devenus des ressources incontournable pour la promotion de l'éducation de qualité. Il permet d'une part l'émergence d'un apprenant plus actif, plus indépendant et davantage responsable de ses apprentissages et du développement de la communauté. D'autre part, les enseignants mieux en personne ressource au lieu des dispensateurs de connaissances. Certes, les défis à relever le manque de temps, en particulier le manque d'enseignants qualifiés à l'IC, l'insuffisance du matériel informatique, du courant électrique, des infrastructures adéquates et de la connexion des écoles et des différents services à l'Internet. Soucieux de relever ces défis et de se mettre en phase avec la vision Burundi 2025 et le plan national de développement 2018-2027, le ministère de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle a mis en place une équipe chargée de la promotion des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation et l'accélération de leur intégration dans le système éducatif burundais, à qui il avait été assigné en d'autres missions d'élaborer une politique à développer. L'équipe technique était composée de 11 membres relevant de notre ministère. Elle a ainsi élaboré un document de politique nationale pour la promotion des technologies de l'information et de la communication et leur intégration dans le système éducatif burundais. Voilà, c'était le ministre de l'Éducation, Jean-Vierre Ndi Irahisha, mais veuillez nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Place à l'actualité internationale. Actualité internationale. En actualité internationale, le lancement ce jeudi 18 juin par Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, d'un programme multisectoriel d'urgence pour faire face aux effets pervers de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. On rapporte 13 morts suite au glissement de terrain dû aux inondations ce jeudi. Armel Moutore nous en dit plus. En actualité internationale, les Européens établiront au milieu de la semaine prochaine une première liste d'une cinquantaine de pays hors Union Européenne avec lesquels les frontières vont être réouvertes. Cela a été déclaré sur France 2 ce vendredi 19 juin par le secrétaire d'État français aux affaires étrangères. Jean-Baptiste Lemoine ajoute que cela va être un travail très intense et coordonné entre Européens comme nous le lisons sur le site officiel de la Radio France Internationale. Signalons que la mesure de fermeture des frontières avait été prise pour barrer la propagation du Covid-19. Toujours sur le site de la RFI en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi est de plus en plus inquiet sur les effets pervers de la pandémie du coronavirus sur l'économie de son pays. Il a lancé ce jeudi 18 juin à Kinshasa un programme multisectoriel d'urgence pour l'atténuation des impacts de la pandémie. Le programme sera doté d'une enveloppe de 2,6 milliards de dollars américains. Un besoin supplémentaire alors que les caisses de l'État ne sont plus renflouées. Les experts restent pessimistes. Le plan du gouvernement s'articule autour de trois axes, le maintien de la riposte, son renforcement et le soutien à la stabilité macroéconomique. Pour le financer, l'État prévoit un minimum de 50 millions de dollars pour chaque mois durant les 9 mensualités du programme. Des fonds qui proviendraient des maigres recettes de l'État en ces temps de récession plus sévère que prévu. Le gouvernement compte notamment sur le secteur minier, lui-même déjà très affecté. L'État congolais ne couvrirait donc que moins d'un cinquième du montant nécessaire. Mais pour le reste, il compte sur ses partenaires et dit avoir reçu des promesses à hauteur de quelques 407 millions de dollars américains, notamment du système des Nations Unies. La BBC Afrique nous rapporte qu'hier jeudi, un important glissement de terrain avait coulé de bois, a entraîné la mort d'au moins 13 personnes et blessé 3 autres dans la commune d'Anyama, au nord d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Selon la même source, c'était un bilan provisoire car plusieurs maisons ont été complètement submergées et les recherches sont en cours. Merci à Armel Moutore. C'est par ici que sera fermée cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel rapide des titres. Nous sommes revenus dans cette édition sur le discours du nouveau chef de l'État, notamment sur la promesse des avantages retraités dans les jours à venir, ainsi qu'elle appelle aux réfugiés de regagner leur pays. Vous l'avez entendu, et dans la fraîcheur des faits, l'association des retraités du Burundi salue la promesse du nouveau chef de l'État, Mouhutu Ildefonse, président de la dite association, se dit et satisfait. Mais de l'autre côté, des politiciens vivant à l'étranger, le discours de Evariste Ndayishimiye n'est pas rassurant, comme l'a souligné dans son journal Frédéric Bamvuginyumvida. Plus de 880 Burundais ont regagné le Burundi en provenance des camps de réfugiés en Tanzanie durant le mois de mai de cette année, selon communiqué du HCR à la veille de la célébration de la Journée internationale du réfugié. Merci à vous tous pour avoir suivi cette édition. Merci à Innocent Bimonimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.